là, non mais la galère, sérieusement, franchement, je dois le vivre ça dans la vie. Je pensais pas sincèrement que j'allais arriver à l'heure à l'émission. Je suis arrivée il y a quoi, 2 minutes, ouais. Même pas, top chrono. Même pas. Vous imaginerez même pas ce qui m'est arrivé, les copains. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé? Oh mais quelle vie de merde, sérieux, franchement. Bon. T'es une poisseuse. Hein. Ah, je suis une grosse poisseuse, ouais. Là pour le coup. Avant ça, petit tour de l'équipe. Fab, il a eu une journée de merde ou alors ça non, va? Bien. Tout va bien. Ah ouais. Bah parfait, ça va rééquilibrer le truc. Sandro, pareil. Ouais, ça va, très bien, très belle journée. Sandro, je te trouve assez pâle, très blanc comme ça, cachet d'aspirine. C'est sympa, mais qu'est-ce qui se passe? J'attends que tu me mettes en vacances pour aller prendre un peu de soleil. Oh, bah, et tu rigoles, tu reviens de vacances, faut pas déconner non plus. Il y a le kéké du standard qui est là aussi. Ça va, kéké? Ouais, nickel. Ouais, c'est ouais. Quoi ce t-shirt trop moulant? Ah, il n'y a plus ma taille, je pense. C'est ça, ça fait un problème. Il y a Alison aussi qui est là. Salut. Au standard. Qu'est-ce que tu veux, Sandro? Vous faites quelque chose demain après-midi? Demain après-midi, tu veux faire du shopping pour habiller kéké? Eh bah, d'accord. Dans mes pensées. Non, mais tu sais ce qu'on peut faire une fois? Ouais. Comment il s'appelle encore le gars là, super connu, le relooker, le blond, David Jean Motte, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, exactement. Eh ben, tu sais quoi, on va l'inviter dans l'émission. Attends, okay. Moi je veux pas qu'un mec plus mal habillé que moi il me rhabille. Hein. Mais il est super bien habillé, David Jean Motte. On va l'inviter dans l'émission. Okay. Je vais l'appeler, c'est un ami, je vais l'appeler. C'est pour moi, c'est cadeau. C'est cadeau, je l'appelle et on va se faire une petite séance de relooking avec toi, Kéké. Okay, et on fera gagner une séance de relooking à un auditeur aussi. Comme ça, shopping party, c'est parti, on est des fous dans l'émission. Bon, il m'est arrivé un truc aujourd'hui, les copains, c'est pour ça que je suis en retard. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y, faites-vous plaisir. Franchement, celui qui trouve ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je lui file du pack fun tellement c'est improbable. Il est question de clés de voiture et il est question de. J'ai plus mes clés de voiture. Mais qu'est-ce qu'elles sont devenues, mes clés? À votre avis, dans l'équipe? Bah, elles sont restées dans la voiture elle est fermée. Ah non, j'ai fait bien pire que ça. Tu me connais, Fab? Oui, non, c'est vrai, c'est un peu ça. Il y a du level, tu vois ce que je veux dire. Sandro, à ton avis? Tu les as laissées chez toi, mais t'avais pas les clés de chez toi, du coup, tu ne sais plus rentrer chez toi. Je sais pas si tu me suis. Presque ça, mais c'est pas ça quand même. Alison, du standard. Non, qu'une idée. Je sais pas. Alison, elle se réveille. Excuse-moi, mais il est 17h. Il est 16h59. Je ne commence mon travail qu'à 17h. Le kick est du standard. À ton avis? Ton chien les a avalés. Oui, c'est ça. Dans le même genre, mon chien a bouffé mon devoir. C'est ça. Ah, à votre avis? Hein. Oui, il pourrait. Il est tellement gros qu'il est énorme. Carlo, des moi, infos. Je sais, je suis au courant. Vas-y. Je peux le dire. Quoi? Bah non, je veux pas le dire. Ah bah d'accord. Ah bah monsieur fait des secrets dans cette émission. Allez-y, 3044 pour vos messages. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, mes clés de voiture? Je les lis, vos messages, juste après les infos, c'est parti. Fun Radio. Ce mois-ci chez Château d'Axe, le charme du design en cuir, le confort des canapés relax, la polyvalence du canapé lit à seulement 1 000 euros dans votre magasin Château d'Axe. Bon, cela dit, j'espère que vous, ça se passe bien hein, de l'autre côté de la radio, que vous avez pas eu d'emmerde aujourd'hui. Bon courage en tout cas à tous ceux qui sont encore au boulot. On va se faire le son de Calvin Harris et Rihanna, il y aura Cheat Code de la Swedish House Mafia, tout ça c'est ce qui arrive après les infos de Carlo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Après l'annonce de la fermeture prochaine du site de Caterpillar Agosti, c'est pas franchement l'optimisme qui règne quant à l'avenir de l'économie wallonne, mais certains ne perdent pas espoir, affirmant que cet avenir se situe dans les nouvelles technologies. Bon, évidemment, les entreprises concernés n'auront pas besoin d'autant de main-d'œuvre que les secteurs miniers, de la sidérurgie, de la construction automobile ou manufacturier en général, mais pour peu que ces entreprises soient nombreuses, ils le sont de plus en plus, ça peut être très intéressant, hein. Pour peu également que les jeunes n'abandonnent pas leurs études trop tôt, évidemment. Et à ce sujet, on apprend que l'établissement scolaire wallon souffre d'un grand retard par rapport à la Flandre en matière de numérique. Voilà ce qui ressort d'une enquête d'Itinera dont les résultats sont publiés dans Le Soir et L'Écho, alors que 3/4 des écoles flamandes disposent de 25 ordi pour 100 élèves. Les Wallonnes n'en comptent que 8,5, 3 fois moins donc. Et ça, surtout dans le contexte actuel, c'est plutôt problématique. Les Wallons moins bien lotis que les Flamands, donc, et puis en ce qui concerne les universités, les francophones sont derrière les Flamands aussi, ou du moins la KUL à Louvain et l'Université de Liège sont les meilleurs du pays, d'après le classement mondial publié chaque année par une entreprise britannique spécialisée dans les études et les carrières. Bonne nouvelle, dans le classement de cette année, on compte 8 universités belges contre 7 en 2015, avec l'apparition de l'Université de Mons. Mauvaise nouvelle, pour ce qui est des 7 autres, il y en a 5 qui ont reculé dans le classement. Du côté francophone, c'est l'UCL qui arrive en tête, même si elle passe de la 149e à la 154e place. Quant à l'Université de Liège, elle perd 50 places carrément. Question, une blonde de 50 ans peut-elle encore être attrayante? Bah, je peux vous dire que oui, hein, on a quand même la preuve avec Audrey en studio. Et puis, si je veux dire... Oui. Et t'as pas écouté, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Et alors, si je dis Jupiler, là, il n'y a pas que les hommes qui sauront de quoi je parle. La fameuse jupe qui fête son demi-siècle d'existence. La Jupiler qui est fabriquée par AB InBev, le géant mondial de la bière, mais qui est toujours brassée à Jupil, comme en 1966, d'où son nom, évidemment. Énorme succès commercial. Ses ventes se comptent en centaines de millions de litres par an. L'anniversaire à fêter avec modération, ça va de soi. Notez que si le nom Jupiler vient de Jupil, l'origine de la pile, c'est à chercher du côté de la République tchèque et de la ville de Plzeň. Enfin, ce soir, les Diables Rouges seront à chercher du côté de Nicosie, à Chypre, où ils disputent leur première rencontre de qualif pour la prochaine Coupe du Monde, en espérant qu'ils nous feront très vite oublier l'Euro 2016, et surtout le match amical il y a quelques jours contre l'Espagne, hein, et en espérant aussi que suite à cette défaite sans gloire, le sélectionneur Roberto Martinez aura effectué les réglages nécessaires pour rassurer tout le monde. Fun Radio. Les doubles bons double points, du 7 au 20 septembre, c'est chez Match et Smatch. Mais c'est vrai. Et en plus, avec ma carte de fidélité, tous mes points, ils sont doublés. Bon, et si vous venez de nous rejoindre là sur Fun Radio, j'ai failli arriver en retard à l'émission parce qu'il m'est arrivé une galère. J'ai perdu mes clés. Mais comment j'ai fait ça? Alors, au 3044, on me dit t'as laissé tomber tes clés dans une bouche d'égout. C'est pas ça. C'est tombé dans un avaloir. Non plus. Tu les as rangées dans le frigo. C'est pas ça. T'as enfermé tes clés dans ton coffre. Si j'avais un coffre-fort, ça serait. Tu les as laissées tomber dans les toilettes? Non, mais elles sont tombées quelque part. À votre avis, où ça? 3044 pour vos messages. On va se faire le son de Calvin Harris. C'est Rihanna aussi. Ce sera juste après. La météo, Carlo, est-ce qu'il va faire beau? Oui, demain il fera beau. Il fera plus chaud qu'aujourd'hui. Cool. Avec plus de soleil. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec Audrey et le son, comme elle vient de le dire, de Calvin Harris. C'est Rihanna. Salut. Fun Radio. En septembre chez Opel, profitez de la force des 4. 3 ans de garantie, d'entretien, d'assistance et d'OnStar gratuit à l'achat d'une nouvelle Opel. Plus d'infos sur opel.be. Yeah, l'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Radio, la suite du son, c'est avec Cheat Code Sex. Il y aura aussi la Swedish House Mafia. Et je vois tous vos petits messages qui arrivent là au 3044 parce qu'il m'est arrivé une loose aujourd'hui. Je suis presque arrivée en retard à l'émission, comment vous dire. Je suis arrivée à quelle heure? 16h58, voilà, à 2 minutes top chrono. Ouais. C'était un truc de malade, j'ai perdu mes clés. Il m'est arrivé un truc avec mes clés de voiture, évidemment sans les clés, eh ben difficile de démarrer la bagnole. Bien vu, pas facile. Voilà, du coup heureusement le kéké du standard est venu me chercher. Il a été bien gentil le petit. S'il vous plaît. Bon alors, je vous ai demandé de deviner ce qui s'était passé cet après-midi. On me dit t'as laissé tomber tes clés dans un lave-vaisselle. Ce serait vraiment bizarre. Je sais que parfois je fais des trucs bizarres. T'as pas de lave-vaisselle? Si, t'es malade, c'est le premier truc que j'ai acheté. Attends, Audrey, non mais attends, si je peux éviter de faire la vaisselle, si je peux éviter de nettoyer. D'ailleurs j'hésite à acheter le robot, tu sais, automatique là. Mais on en parlera plus tard. Non, ça coûte une blinde, pareil. Ouais, mais je peux investir, sérieux, si ça peut m'éviter de faire le ménage, je peux faire ça. On a Quentin qui vient de Charleroi qui est là aussi. Salut mon Quentin, ça va? Salut, ça va? Waouh! Hey, t'es un dur de dur, toi. C'est quoi cette voix de fou, quoi? Ça va, Quentin? Ça va, et vous? Dis, j'ai l'impression de parler à Robocop, là, tu vois, genre un truc. Ouais, t'es auto-tuné, monsieur. Parce que je suis un peu malade. Ah, c'est ça? Eh ben, ça te va très bien, mon Quentin. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Je suis au travail. Au travail? Bah, c'est bien, ça a l'air pis et cool. Qu'est-ce que tu fais comme taf? Chauffeur de taxi, bah c'est ça, t'es en train de glander sur le bord de la route, Quentin. Bon, Quentin, j'ai expliqué un peu ma loose, enfin à moitié, le reste c'est toi qui complète. À ton avis, où j'ai laissé tomber mes clés? Bah, dans la fente de l'ascenseur, parce que eh ben, ouais, carrément. Oh, j'ai non, laissé tomber mes clés non, dans non. L'espace qu'il y a entre la porte et bah, la cage de l'ascenseur. Et donc, évidemment, je n'ai pas pu aller les rechercher, puisque, en fait, dans le fond, il y a le truc où tu peux ouvrir, mais c'est fermé à clé. Ah voilà. Ouais, il faut. Donc, je n'ai pas pu récupérer ma clé de voiture. Je ne sais pas du tout comment je dois m'y prendre d'ailleurs. Concierge. Ou t'appelles la société d'ascenseur. Et j'espère pour toi qu'il n'y a pas le truc en dessous qui écrase tes clés. Hein c'est quoi ça, le truc en dessous? Bah, il y a des contrepoids et des machins et des trucs pour que l'ascenseur est monté et descende. Imagine, c'est en dessous de la cage, il y a un truc et ça fait. Non, parce que c'est ma dernière clé en plus, j'ai déjà perdu la première. Donc c'était déjà mon double que je viens de perdre. Donc ça va pas être possible, il va falloir trouver quelque chose là, les copains. Mais surtout que c'est une mini, donc c'est une clé automatique. Ouais. Donc ça coûte la blinde. Il faut super, merci. Tu as décidé vraiment de me ruiner. Il faut le numéro de série et tout ça. Hein. Et j'ai regardé, c'est 400 boules la clé. Je peux pas. secondemain.be et tu revends la voiture sans la clé. Non. Ça serait drôle. Charleroi, il y a bien quelqu'un qui va l'acheter. Laisse tomber. Et Quentin, tu sais comment je dois m'y prendre avec cette galère? Je dois faire quoi, moi, maintenant? C'est malin. Ouais, c'est comme idée, contacter la société d'ascenseur pour qu'ils aillent par en dessous. Parce que de toute façon, l'ascenseur, il voit pas en dessous. Coquignou. C'est un peu comme sous les jupes des filles. Ah, d'accord, je vois le concept, mon Quentin. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé à l'antenne. Tu raccroches pas, on prend tes coordonnées, je vais t'envoyer du cadeau Fun Radio, d'accord, Quentin? Ça va, merci beaucoup. Gros bisous, bon courage pour ton taf là. La suite du son maintenant, c'est avec Cheat Codes que ça se passe. Il y aura aussi la Swedish House Mafia et peut-être qu'à un moment donné, un Golden Pass direction Walibi va tomber dans l'émission, en tout cas avant 20h, c'est peut-être le cas. Il faut reconnaître pour ça le double fun. C'est quoi les deux sons qu'il faut repérer pour ça, Sandro? C'est Major Lazer avec Justin Bieber. Et le deuxième, c'est le tout dernier Kungs. Voilà, donc si vous entendez ça, eh ben vous envoyez tout de suite Walibi par SMS au 6322. Bonne chance tout le monde, c'est la Piawar, on est avec vous jusqu'à 20h. Was unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal, and I don't want it to end. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Sex. Sex, baby. radio. Fun radio. Fun radio. Le son dance floor. Le son dance floor. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world, I thought I'd never lose her out of sight. We were so young, I think of her now and then. I still hear the song. Radio, la suite du son, c'est avec Imani, Don't Be So Shy, que ça se passe. Il y aura aussi du Pitbull avec Florida. Ça, c'est le nouveau. On vous l'a fait découvrir ici en premier sur Fun Radio. Je vous cale tout ça, c'est promis, après les potins. Les stars, leurs aventures, leur vie. Le rêve, quoi. Le tout raconté par Fab, c'est Potin et Popotin dans la Happy Hour. Parfois, il y a aussi des infos un petit peu bizarres. Et Fab m'a parlé d'un nouveau restaurant qui va bientôt ouvrir du côté de Paris. Ouais. Mais c'est pas n'importe quel restaurant, c'est un restaurant un peu space. Hein. Le concept est très très étrange. Je voulais t'inviter, ma petite Audrey. Oh bah tiens. Oh. Je voulais qu'on se fasse un petit tête-à-tête, tous les deux. Non, attends, on va pas se faire un tête-à-tête parce qu'on est trois aujourd'hui. Il y a Thomas qui est là aussi, qui vient de Jean Blou. C'est l'invité surprise. Hein. Ah oui, pardon, mon minou. Oh, Thomas, ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Bah, ça va bien, Thomas. Dis, parle bien dans ton téléphone en direct à l'autre bout du monde. Ah, mais je suis presque à l'autre bout du monde, ouais. Bah, oui, c'est vrai que Jean-Blou, c'est vachement loin quand même. C'est ça, quoi. Bon, alors, tu veux nous inviter où là, non, tout le alors, monde? Alors, à la base, je voulais t'inviter, toi. Mais bon, Thomas, il s'incruste. Sandro, il veut se rajouter. Ça fait, on est à 3 sur toi. On se croirait sur un buffet du Lush Garden. Il n'y a personne qui vient sur moi. On va bien rester tranquille. Moi, j'étais dégoûté. J'avais trouvé un chouette petit resto. Mais le resto, tu sais, où tu peux pas mentir. Ouais. Le resto de la vérité. Oh. Un resto qui cartonne à New York. Ils se sont dit, on va faire la même. À Londres aussi, on va faire la même chose à Paris. Quand suspense, un resto naturiste. Ah! Naturiste. Oui, voilà, c'est que tu bouffes à poil. Mais lumière allumée ou fermée? Non, non, lumière allumée, mais par contre, ils ont mis des toutes les fenêtres sont placardées. Ouais, placardées avec des cartons. Ouais. Donc il fait sombre. La seule règle, c'est d'amener ta petite serviette pour t'asseoir dessus. Oh non, tout ça pour pas s'asseoir sur le zoo zigouigoui des autres. Ah, je crois, ouais. C'est dégueulasse. Et alors, tu manges à Walpé, quoi. Oh et non. Tu te regardes. Oh non, ça, je pourrais pas faire. Thomas, tu serais du genre à faire ça, toi, manger tout nu? Ouais, vraiment pas, non. Oh, dis ça va. Ouais. Non, t'imagines, tu te trompes de saucisse. Excusez-moi, c'était pas la bonne. J'ai pas coupé le bon morceau. Non, mais tu renverses quoi. Ouais, tu renverses du potage. Oh, comment ça doit faire mal. Mais c'est quoi leur problème à vouloir faire? Parce qu'à Paris, il y a déjà le resto où tu dois bouffer dans le noir. Ça existe là. Oui, mais ça, c'est pour la bonne cause. Ouais, mais alors, par contre, un resto où tu dois bouffer à Walpé, ouais. Et en plus les lumières allumées, ça va pas être mais possible. Mais c'est un mec quoi. Qui a créé ça à New York, là, un John G. Ouais, mais qu'il arrive tout de suite de créer des trucs. Mais au stade, ça cartonne. Ça cartonne, donc t'arrives à billet, t'as un vestiaire, tu te dessins, tu rentres dans le resto, poil et tu manges quoi. Je serais vraiment très gênée. Alors, petit conseil pour tous nos auditeurs, n'y allez jamais le dimanche midi. Pourquoi le dimanche midi? Et les vieux. C'est les petits vieux. Oh non. Par contre, tu vas manger avec ta femme, ouais. Et t'as plein d'autres clients et t'as d'autres femmes qui sont mieux que la tienne. Déjà, vous nous faites chier quand on mate des meufs à poil. Bah, tu m'étonnes. Mais imagine si on mate des meufs à poil, quoi. Quoique, et Thomas, on est d'accord que ça peut être quand même un bon plan. Imagine, t'as un premier encart avec quelqu'un. Et tout de suite, tu vois la taille du zigouigoui, quoi. Ouais, tu vois s'il a un grand membre ou un petit membre. Eh, c'est pareil chez nous, hein, bah, fini les push-ups. C'est ça pour les pisser, quoi. Pourquoi? Tu comptes pisser dans l'assiette ou quoi? Non, tu vas plus vite en tout cas, c'est vrai que le retour. Et non, imagine. Ouais. Non, alors il y a un truc qui me vient à l'esprit. Ouais, la dernière goutte. Ah ouais. Si t'as pas le caleçon, tu la mets où? Ah non. Imaginez la théorie des trois petites gouttes sur votre caleçon, parce que ça, c'est un concept comment purement masculin. Vous allez revenir à table et mettre vos trois petites gouttes sur la serviette, c'est dégueulasse, ça, je suis pas d'accord. Non, moi je secoue un peu partout et puis hop, c'est bon, c'est mais parti. Mais ouais, champagne party, exactement. C'est parti. Ah mon dieu, c'est horrible. Et dis-moi, rappelle-moi, ça va ouvrir quand qu'on y aille pas? C'est pour bientôt, il y a pas de date encore, mais pour bientôt. Génial, super. Bon, mon Thomas, je te fais des gros bisous, hein. Et si jamais ça ouvre bientôt, on t'invite quand même au resto à Paris, d'accord? Allez, nickel, je m'aiderai. Parfait, gros bisous, Thomas, passe une bonne journée. On va sur le son d'Imani maintenant, comme promis. Il y aura aussi du Pitbull avec Florida. Et puis du cadeau aussi, peut-être des Golden Pass. Direction Walibi Bibi, j'en suis quoi? Baba! Ouais, il se vit, Minou! Yeah. Partez vous éclater à Las Vegas pour un party trip de folie avec Desperados et Fun Radio. Fun. Toute la semaine, écoutez Fun Radio Connected dès 20h. Dès que vous entendez le Gravity Mix, envoyez Despé au 6322. 1€ le message. Et gagnez chaque jour votre pack Desperados. Devenez l'un des finalistes qui remportera des places pour le festival le plus extrême dans un vol zéro gravité à Las Vegas avec Desperados. La radio qui vous envoie faire la teuf partout dans le monde, c'est Fun Radio, le son dance floor. La teuf la plus extrême du monde. Villa avec Desperados dans un avion zéro gravité. Desperados, tequila flavored beer. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Inédit du lundi au vendredi à 20h35 sur Plug RTL, touche pas à mon poste. Bienvenue dans Touche pas à mon poste. Avec Cyril Hanouna aux commandes, plus en forme que jamais. Comment ça tombe bien? Attention, je peux être un tigre. Oh là là, boulou, va. Ouais. Chronique, jeux, défis et délire en tout genre. Et quoi d'autre? Vous le saurez en regardant Touche pas à mon poste du lundi au vendredi à 20h35. Plug RTL. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix. Accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du soir. Et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29€ par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330€. Fun Radio. International et la connexion. Youssoufa est dans la maison. Devant Bimba da Ping Dong. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long.

tube Fun Radio. Turn it up, fuck up, fuck up. Yeah. This is new music. Yes, the Lil Chico Pitbull. Hi, this is Flo Rida. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. This is fun. To make you ooh, I hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. And step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. I'm ready, pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Lego. Give me what I ask for. I got a passport, Mr. International. I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Serena Venus, glow a genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Il est bien, hein, le nouveau Pitbull de la Surfan Radio avec Flo Rida. La suite, c'est Sigala avec Give Me Your Love. Il y aura aussi Kin V. Oh, bah, faut qu'on rappelle Kéké du Standard, son idole. Kéké! L'infotrafic dans la P-Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. C'est franchement le gars qui passe le plus de temps aux toilettes de toute sa life, quoi. Le Kéké du Standard, qui n'est pas au Standard. Comment ça va, le Kéké? Mais ça va très bien. Bon, bon Kéké, reviens parce qu'il y a Kin V qui arrive là. Oh, attends, mais je reste alors. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dire. Regarde sa tête d'enfant, là. Kin V. Insupportable, quoi. Bon, avant de passer Kin V, on va se faire l'infotrafic. Est-ce que ça bouchonne? Est-ce que c'est le bordel? Mister Jacobus va tout nous dire. Bonjour, Mister Jacobus. Yardak. Bonjour. Yardak, tout le monde, bonjour. Va bien? Ouais. Oui, à l'esproute. C'est comme ça qu'on dit. À l'esproute. Oui. Ça, c'est de l'hébreu, hein. C'est pas du néerlandais. Excusez-moi, je fais ce que je peux. Hein. Quelle clé, j'ai rigolé avec tes clés. C'est pas drôle. C'est quand ça t'arrive pas. Oui. Alors, je veux signaler sur le A54, nouvelle direction Charleroi, à Petit Reux. Petit Reux, Rulx. Non, Petit Reux. Petit Reux. Reux. À Petit Reux. Reux. Qu'est-ce que c'est ça pour un nom? Un véhicule en feu. Et ben écoute, j'ai envie de te dire, écoute le météo, peut-être il va pleuvoir, peut-être pas. On sait jamais. On espère qu'il n'y a pas de blessés quand même. Encourage, hein, les pauvres. Non, mais. Oui, enfin, s'ils sont blessés, ils nous entendent plus. Sur le E42 à Saint-Vite, vers Verviers, à Eusy, l'entrée du tunnel est fermée. Il y a une déviation sur le ring de Verviers. Arrête de rire, c'est pas gentil. Tu fais pas des blagues gentilles, toi tu rires. Bruxelles vers Aix-la-Chapelle. Oui, non, ça tout le monde s'en fout, personne va à Aix-la-Chapelle. Le ring intérieur de Bruxelles est à l'arrêt, une voie fermée. Oui, ça tout le monde le sait. Le tunnel Montgomery aussi, il est fermé, donc ne va pas par là. Oui, on ne nous apprend rien. En gros, c'est le bordel partout. Et ça, c'est rigolo ici. Grand vers As, Leedse Steenweg et Albrechtlaan. Le trafic. Vous voulez bien le faire en français parce que moi je comprends rien. Ben, c'est du français. Hein. Ah, c'est Leedse Steenweg, c'est la chaussée de Leed. Ah, d'accord. Voilà, je crois que c'est comme ça. Et Albrechtlaan, c'est, ça bouge pas. Ça reste Albrechtlaan en français et en néerlandais. Oui, des bouchons sur 6 km. Tu prends 21 minutes dans les dents et la moyenne est de 10 km/h. Et j'avais vu encore un autre truc ici, mais je sais plus où il est. Ben alors, ça sert à rien de le dire. Oui, non, mais c'est un ça. Truc, je sais pas si toi tu es dedans, auditeur. Ah, voilà! Antwerp vers Saint-Anna-Linker. Oui, non, mais personne ne va de là-bas. Non bon, plus, laissez tomber. Bon, je ne sais pas ce qu'il a picolé voilà. aujourd'hui, Jacobus, mais c'est de la bonne en tout cas. Hein. Bon, si vous avez des infos, peut-être même des meilleures infos que notre Jacobus ouais, à nous, s'il vous plaît. Allez-y, hein, vous nous informez 3044, vous nous envoyez un petit message, et puis comme ça, nous, eh ben, on peut prévenir tous les autres. Ça s'appelle la fun solidarité. Qu'est-ce que c'est beau, c'est bien dit, non? Bon, le kéké du standard, tu restes là parce qu'il y a Kinvé qui arrive. Tu vas pouvoir avec nous faire plaisir. Ta chorégraphie avec okay. celle qu'il te faut. Avant ça, je vous l'avais promis, je vous cale Sigala, c'est Give Me Your Love sur Fun Radio. Maybe selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. C'est Kinvé qui arrive, celle qu'il te faut. Il y aura aussi du Tiesto avec John Legend, Sack Noël, Sean Paul avec les petites trompettes. Je vous cale tout ça juste après. L'horoscope. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ouais, et c'est Fab qui s'y colle et je pense qu'il n'a pas envie de se faire que des amis, le Fab. Fab qui va vous dire si votre mari est quelqu'un de fidèle. Tu cherches la guerre. Les ouais. filles. Si vous êtes à l'écoute de l'émission, si vous avez des doutes sur votre amoureux, eh ben arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, écoutez l'horoscope, c'est parti, les béliers. Alors absolument pas, votre mari a le syndrome du labrador, c'est-à-dire qu'on lui caresse la tête et il remue la queue. Les taureaux. La fidélité, c'est un concept assez dur pour vous, hein, un peu comme les mots caterpillar et création d'emploi. Non, on a une petite pensée pour tous les gens là. Charleroi, espèce de mongol, bah, c'est pas cool. Les Gémeaux. Votre mari a eu plus d'aventures que Michael Schumacher n'a eu de cours de ski. Cancer. Vous collectionnez les conquêtes et par la même occasion tout un tas d'autres trucs. Champignons, chlamydia, herpès. Oh non, non, c'est dégueulasse. On va le changer, sûr. Ouais, on va le changer. Les lions. Votre mari est fidèle, très fidèle. Il n'a jamais, en 25 ans, trompé une de ses maîtresses. Vierge. Votre mari essaye d'être fidèle, vraiment, comme même Pokora essaye de faire des belles chansons. Maudit. Je ne voudrais que le monde tourne autour de toi. Ok, les balances. Les balances ont énormément de chance. Leurs maris sont fidèles, extrêmement fidèles. On n'a jamais vu ça. Et je dis pas parce que j'ai pas ça parce que ma copine est balance et qu'elle nous écoute. Hein. Bisous, mon lapin. Oh, c'est pathétique, quoi. Ce mec est vraiment scorpion. Votre mari aimerait ne pas être fidèle, mais à part vous, personne n'a envie de coucher avec lui. Sagittaire. Votre mari est ce qu'on appelle un infidèle. D'ailleurs, si un jour vous voyez des gens avec une longue barbe et une drôle de ceinture, un petit conseil, courez. Je crois pas que c'est le Père Noël. Capricorne. La fidélité dans votre couple, c'est un projet un peu impossible, comme stopper la faim dans le monde ou reboucher le trou de la couche d'ozone. Les Verseaux. Votre mari est tellement pas fidèle que vos enfants auraient pu chanter Papa où t'es. Non. Et on termine avec les Poissons. Non, votre mari n'est pas fidèle à un stade que même les cartes de fidélité lui font peur. Mais enfin quoi. Bon, qui a été cocu autour de la table ici, Sandro? T'as déjà été cocu dans la life? Jamais. Attends. Est-ce que t'as déjà trompé ta copine? Non. Je veux la vérité. Non, la vérité. Non. Allez, vas-y, maintenant la vérité. Bon, bah, non. C'est vrai? Non, jamais, Fab. Moi, j'ai été cocu, moi. Ouais, mais est-ce que t'as rendu aussi une fille cocu? Ah, je me suis vengé après. Regarde-le, là, il est fier en plus. Ah, hein. Ben non, mais quand j'ai découvert, je me suis vengé. Alison, t'as déjà été cocu ou pas? Oui. Bon, moi, j'aimerais bien. Ouais, j'ai déjà eu un mec. C'est vrai que c'est ça la question à poser. Non, mais par contre, blague à part, je voudrais savoir, là, de l'autre côté de la radio, est-ce que vous avez déjà cocu dans votre vie? Je fais un petit sondage, là, ça m'intéresse de savoir. 30-44 pour vos messages. Vous pouvez mettre le nombre, hein. U2, 1 à 100, on s'en fout. Hein, Depuis que je t'ai trouvé, j'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Dis-lui je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place. Oh baby. Mon sourire, je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur, tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi, je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque. Tant notre amour est plus fort que tout. Yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout, n'hésite pas. Laisse-la prendre ma première place. Dis-lui, je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place. Oh baby. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. C'est le duo le plus improbable de Fun Radio, mais on kiffe ici, Tiesto avec John Legend. C'est bien ça, pour terminer l'après-midi. Bon courage à tous ceux qui sont encore au boulot là. Et puis pour tous les autres, bah, profitez-en, il y aura aussi du sac Noël avec Sean Paul. Et puis on a du cadeau aujourd'hui dans l'émission, surtout pour les gamers, les fans de jeux vidéo. Ça va vous plaire, hein, on vous file un pack high-tech. Et comme je n'y connais rien en jeux vidéo, je fais appel au kéké du standard qui globalement a deux choses importantes dans la vie. C'est sa console et quoi d'autre? Sa console, c'est ça. Donc kéké, qu'est-ce qu'on a

Et tu peux arrêter. Qui vient de faire le canard dans l'équipe? Bah, c'est dans ma chanson. C'est ça, ouais. Il y aura aussi du Jonas Blue, Sound of Legends pour la suite du son. Et puis on vous a dit qu'on avait du beau cadeau là. Pour tous ceux qui aiment les jeux vidéo, on vous file un pack high-tech de gamer. Ça le fait, yeah. Rien que le titre déjà, et c'est plus de 400 euros que ça coûte. Hein, parce qu'il y a plein de choses dedans. Alors, je n'y connais rien, mais ça a l'air très chouette. Il y a un clavier Orion Spectrum d'une valeur de 189 euros. Spectrum, ça me fait penser à un truc anatomique. On n'a pas un truc dans le corps qui s'appelle comme ça aussi? Spectrum, non, c'est le rectum. Ah, le rectum, c'est ça. Voilà. C'est ça n'a rien à voir. Par contre, on peut revenir deux minutes sur ta phrase? Et quoi? Le prix, s'il vous plaît. Alors, 189 euros pour le clavier. Non, répète. Pour être gamer, il faut être riche en fait. Ouais, c'est clair. Bon, tu sais qu'un clavier, c'est 50 balles, 20 balles. 189 boules, qu'est-ce qu'il fait avec? Il joue tout seul en fait. Non, mais c'est un clavier, il est ergonomique. Ah. Et toutes les touches, elles sont faites en fonction que quand tu joues à des jeux, tu vois, tes mains, elles doivent bouger le moins possible pour être le plus rapide possible. Tu vois, tac, tac, tac, tac, tac. D'accord. Est-ce qu'il fait à manger ou pas le clavier? Non, je pense pas, non. Peut-être que la souris, par contre, comme elle coûte 179 euros, elle peut peut-être à manger celle-là. Une souris gaming professionnelle sans fil d'une valeur de 179 euros. Elle est peut-être vivante, ouais, faut lui donner à bouffer de temps en temps, n'oubliez pas. Il y aura aussi un tapis de souris. Dis, on est drôle aujourd'hui, hein, franchement, mais qu'est-ce qu'on est marrant. Et il y a aussi un sac à dos Logitech G. Voilà, bah, alors. J'ai pas de vanne sur le sac à dos. Quelqu'un qui a envoyé Happy par SMS au 6322 pour essayer de repartir avec ce joli cadeau. C'est Mickaël qui vient de Liège. Salut Mickaël. Salut tout le monde. Eh ben, tu n'as pas l'accent, je suis très déçue. Alors, ça fait une semaine, sincèrement, qu'on a des Liégeois qui viennent à l'antenne et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais des enfumes. Mais ouais, c'est des enfumes tout ça. Ça va, Mickaël? Ça va et vous? Bah, j'essaye de le faire parler pour voir, mais ouais. Bah, écoute, ça va. Pas. Qu'est-ce que ça fait de beau aujourd'hui? Bah, je garde mon enfant. Bah, garder ton enfant, c'est très bien, c'est bien. C'est mieux de le garder que de le donner, hein, c'est un peu dommage. Bon, alors, Mickaël, j'ai déjà une bonne nouvelle pour toi. Tu repars avec le tapis de souris. Voilà. Bravo. Ouais. Et ça, c'est beau. Bon, par contre, le tapis de souris, c'est sympa, mais ça fait maigre hein, comme cadeau. Mickaël, t'as l'occasion de pouvoir essayer de doubler, tripler, quadrupler, puisque là, il y a plein de cadeaux dedans d'un coup. Ton cadeau, il faut faire la Happy Game pour ça. Est-ce que tu tentes ta chance? Ouais, je tente. Ouais, bah allez, c'est la Happy Game, c'est parti. La Happy Game sur Fun Radio. Sur Fun Radio, c'est le seul jeu du monde où tu peux négocier ton cadeau. Bon, Mickaël, le tapis de souris, il est déjà pour toi. Pour compléter ton pack avec le clavier, la souris et le sac à dos, il va falloir que tu affrontes quelqu'un de l'équipe. Alors, il y a Sandro qui est là, Fab, grand vainqueur, Alison ou moi. Tu veux affronter qui? Sandro. Sandro, c'est toujours Sandro qu'on choisit. Oui, c'est ça, c'est plus facile de gagner. Tu sais quoi, on va déjà te donner ton cadeau. C'est gagné. Pas besoin de jouer, c'est bon comme ça. Bon les garçons, vous allez vous affronter à un jeu a priori auquel vous avez déjà joué quand vous étiez petit, le jeu du ni oui ni non. Oh non, c'est facile. Bah tu parles avec Sandro, c'est pas facile du tout. Je peux te dire Mickaël que franchement t'as toutes tes chances sur ce coup là. T'as déjà gagné hein. Bon Mickaël, est-ce que tu es prêt? Parfait. Attends, oui gars, comment on fait? Il est malin celui-là. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Comment ça va Mickaël? Ça va, ça va. T'as fait quoi de bien aujourd'hui? Alors je l'ai dit, j'ai gardé mon enfant. Et tu as travaillé avant? Là malheureusement j'ai pas dû montrer à mon travail, je suis au chômage. Et est-ce que tu vois ta femme ce soir? Je vais aller la chercher, tout à fait. Pose des questions Mickaël. T'as une voiture Mickaël? J'ai une voiture. Il est fort, hein? Eh ben c'est normal, il parle tout seul. Ben c'est ça, à un moment donné, il faut poser des questions. Allez, vas-y, Mickaël, tu dois poser des questions, c'est de la triche, ça, hein? Ah. Bah ouais, j'ai une voiture. Oh, il a perdu. Non. Bah ouais, j'ai une voiture. Mais Mickaël, non. Pourquoi? Oh non, attends, j'ai pas envie de le. Non, j'ai pas envie qu'il perde. Oh non. Ah, mais c'est les règles du jeu. Oh non. Dans le nom de l'émission, c'est Happy Hour, il y a Happy. Alors s'il perd, je suis pas Happy. Mais il y a le mot Hour. Attends, aussi. On peut négocier. Attends, concertation, Mickaël, reste avec nous. Je concerte l'équipe. On peut le faire rejouer après, non? On fait un autre jeu avec lui. On fait quoi? Ouais, un cache-cache? Bah, fais pas les connards, ouais. C'est bon, on fait un truc. On fait un cache-cache. Oui, cache-cache, ça va être pratique ça à la radio. Non, mais on peut faire un petit jeu sympa. On peut faire un petit jeu. Alors, Mickaël, le conseil a décidé de te redonner une deuxième chance. Mickaël, tu restes bien là. On se fera ça juste après. Et ben, les infos. Bah oui, c'est l'heure. Fun Radio. Fun. Ce mois-ci chez Château d'Axe, le charme du design en cuir, le confort des canapés relax, la polyvalence du canapé lit à seulement 1 000 euros dans votre magasin Château d'Axe. Est-ce que oui ou non Mickaël va réussir à repartir avec son pack de gamers? On verra ça juste après les informations maintenant. C'est bien de dire ça comme ça. Les informations. Ouais, les informations maintenant sur Fun Radio, c'est avec Carlo Morello et ça rime en plus. Waouh, salut Carlo. Bonne nouvelle, le nombre de tués sur les routes a diminué de 8% au cours des 6 premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'an dernier. Bon, je parle de bonne nouvelle, mais les familles et les proches des 266 victimes recensées n'auront sans doute pas envie de dire la même chose. Hein. Quoi qu'il en soit, le nombre d'accidents a surtout diminué les week-ends, et en particulier pendant la nuit. Et ces chiffres sont les plus faibles depuis le premier semestre 2013. Pour ce qui est des chiffres relatifs aux pertes d'emploi en Wallonie, dans les mois qui viennent, ben, on peut s'attendre à ce qu'ils soient plutôt élevés, hein, par la faute surtout de la direction de Caterpillar. Ce sont des milliers d'emplois directs et indirects qui vont passer à la trappe du côté de Charleroi. Hier, on apprenait qu'AXA Assurance allait subir une grosse cure de dégraissage. Et puis à Otigny, dans le Brabant Wallon, la direction de CP Bourg, une entreprise qui fabrique des produits destinés au secteur de l'imprimerie, la direction donc a annoncé que 88 travailleurs sur 225 allaient être licenciés. En cause, la concurrence et les suites de cette foutue crise de 2008. Bon, 88 à côté des milliers de jobs perdus à Caterpillar, c'est pas énorme, mais là, en faisant allusion à l'info précédente, ce sont les familles concernées qui n'auront pas envie de dire la même chose. Le président des États-Unis, Barack Obama, se trouve au Laos, où il rencontre ses homologues d'Asie du Sud-Est pour un sommet où on évoque notamment les ambitions de Pékin en mer de Chine, des ambitions contestées par les pays de la région et notamment les Philippines. Les Philippines dont le président Rodrigo Duterte vient de traiter Obama de, je cite, « fils de pute ». Résultat, le président US, un petit peu vexé, a refusé de rencontrer Duterte en tête à tête. Alors question, pourquoi une telle insulte? Eh bien parce que Barack Obama avait osé critiquer le chef d'État philippin pour avoir incité ses concitoyens à lyncher des trafiquants de drogue et des toxicomanes. En moins de 3 mois, près de 2000 personnes ont ainsi été assassinées par la population avec la bénédiction du président. Même Donald Trump n'oserait pas aller jusque là. A noter que Rodrigo Duterte avait également traité le pape de fils de pute pour avoir provoqué des embouteillages lorsqu'il est venu à Manille. Alors, je sais pas ce que la mère de ce monsieur faisait, elle, dans la vie, mais elle aurait pu mieux éduquer son fils, hein, c'est clair. Enfin, en sport, je vous rappelle le premier rendez-vous important des Diables Rouges ce soir, depuis que Roberto Martinez en est devenu le sélectionneur. En tout cas, les Diables qui entament à Chypre leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Enfin, en tennis, Serena Williams a remporté la nuit dernière face à la Kazakh Shvedova sa 308e victoire en Grand Chelem, record absolu. C'est une victoire en plus que le Suisse Federer. Et elle peut en rajouter encore 3 d'ici le week-end, vu qu'elle s'est ainsi qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open. Les doubles bons double points, du 7 au 20 septembre, c'est chez Match et Smatch. Les doubles bons double points. Franchement, j'ai qu'une chose à dire. Surtout, continuez à les doubler. Hein. Bon, bah Mickaël, il va essayer de choper son pack high-tech pour les gamers. Il a raté son épreuve face à Sandro. Je vais y arriver à faire ma phrase, moi. Bon, heureusement, Mickaël, on a décidé de lui donner une deuxième chance. On se fait ça juste après la météo. Carlo, comment il va faire demain? Bah, en principe, demain, il va faire beau. Avec, parfait, ça. Ouais, je ne sais pas, parce que le réchauffement de la planète, c'est quand même pas une si bonne nouvelle que ça, finalement. Hein. Mais demain, tu gâches l'ambiance, Carlo, demain, on était bien. Mais je sais, parce que dans le flash de 19h, il va être question que de ça. D'accord. Et voilà, tu sais qu'on cultive la papaye en Corée du Sud. C'est pas loin c'est de la Sibérie. Hein, ouais. Ah oui. Donc il y a un petit problème. D'accord. Allez, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Jonas Blue. Salut. Fun. Fun Radio. En septembre, chez Opel, profitez de la force des 4. 3 ans de garantie, d'entretien, d'assistance et d'OnStar gratuit à l'achat d'une nouvelle Opel. Plus d'infos sur opel.be. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. The secret tomorrow will hold. We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll reunite. you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Radio, c'est Sound of Legends avec Komodo qui arrive. Il y aura aussi du Pharrell's Movement juste avant. Et puis, histoire de se mettre encore un tout petit peu dans l'ambiance des vacances, Zero avec Bailar, même si c'est plus du tout les vacances. À un moment donné, eh il oui, faut non, arrêter de se mentir. Je sais, ça fait mal, mais bon, ça fait mal, ça fait mal. Pardon. La fouine. Ouais, la fouine, ça fait mal, ça fait mal. Ah, excusez-nous, le monsieur du troisième âge ne connaît pas. Est-ce que Sandro, tu peux éclairer, s'il te plaît, le Fab qui me regarde avec une bouche de poisson rouge en mode je ne vois pas. Attends, la fouine, c'est le jeune homme avec, avec une espèce de cordelette en guise de barbe. C'est ça. Non, alors, c'est pas une cordelette, c'est une jolie petite tresse. Voilà, c'est ça. C'est une. Comment dire? C'est une folie capillaire. Mais tu ne peux pas comprendre ça puisque tu n'as plus de cheveux. C'est ça? C'est la frustration qui parle, mon Fab. Bon, Sandro, tu crois qu'on va continuer à parler longtemps avant que tu nous cales le son? Je cherche, mais dans la machine, il ne se passe rien. Bon, pendant que tu cherches, on va reprendre Mickaël. Mickaël, t'es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Parfait, Mickaël. Pour tous ceux qui viennent de se brancher sur Fun Radio, Mickaël a essayé d'affronter Sandro au jeu dit ni oui ni non. C'est pour dire pourtant que Sandro est très mauvais à ce jeu. Ah, ça. Mais Mickaël, je vous emmerde, hein. Tu es encore plus mauvais que lui, puisque t'as perdu lâchement face à Sandro. Quoi. Je sais pas ce qui est le plus triste là-dedans. Est-ce que t'as perdu le cadeau ou est-ce que t'as perdu face à Sandro? T'es perdu contre Sandro. Dans les deux cas, on a une grosse pensée pour toi. Bon, Mickaël, on a réfléchi avec toute l'équipe et on a décidé de te donner une deuxième chance. Alors, on va faire un autre jeu. Tu veux toujours jouer face à Sandro ou tu veux changer? Oui, je m'arrange. Allez, ouais, vas-y, Mickaël, je le sens bien. Allez, t'es un liégeois, coiffieux, monte de quoi t'es capable. Là, oh. Bon, Mickaël, cette fois, on va changer le jeu. J'ai bien compris que ni oui ni non, ça allait pas chez toi. Donc, on va faire autre chose. On va faire du chiffre. Je vais penser à un chiffre dans ma tête, d'accord? Et vous allez devoir essayer de le deviner. C'est un peu comme le juste prix, en fait. Hein. Je vais vous dire plus ou moins. Le premier qui trouve, eh ben, il gagne son pack de jeux vidéo d'une valeur de plus de 400 euros. Attention, c'est parti. C'est toi qui me propose un chiffre en premier. Le chiffre, il est entre 1 et 200. Mickaël, à toi, vas-y. 200. Ah bah, on se fait plaisir. Hein. Vas-y, balance. 100. 100, c'est plus. 110. Plus. 150. Plus. 160. Plus. 190. Plus. Il y a quoi après? Bah, t'es con, 100, quoi. 100, 192. Plus. 59. Plus. 200. Plus. En fait, c'est plus que 200, mais bon. Ah, d'accord, okay. Plus. À 200. Non, plus que 200, là. Plus que 200. Ah, 220. Oui, mais c'était ça. Ah, bah ouais, bravo, bravo. Nous, on est une équipe de bras cassés, quoi. Non, en fait, il faut que je dise la vérité. C'est pas bien de mentir à tous les auditeurs qui écoutent. Quand c'est 201, en fait, c'est au-dessus de 200. Hein, non, en fait, vous savez quoi? Il faut que je me confesse. Le chiffre, c'était 200, mais j'avais pas envie que ce soit Sandro qui gagne. Oh, la tricheuse! Voilà, donc, j'ai décidé de changer en direct. C'était donc 201. Voilà, j'ai changé, j'ai le droit. Hein, voilà, donc Mickaël, c'est gagné! Ouais. Bravo! Eh, c'est gagné! Waouh! Bon, Mickaël, on est d'accord, t'as été mauvais, mais bon, j'étais. J'avais envie que tu gagnes. T'as quand même perdu deux fois contre Sandro, mais bon, je dis ça, je dirais. Non, bah, en attendant, c'est lui qui repart avec son pack de gamer. T'es du genre jeu vidéo ou pas? T'imagines? Il me dit non, pas du tout. J'ai Mickaël, pas d'ordi à la maison. C'est ton kiff. Ouais. Justement, je serais, ouais. Donc, ça te parle le cadeau qu'on te file aujourd'hui dans l'émission alors? Ouais, c'est clair, tout à fait. Eh ben parfait, tout à fait. Là, t'as fait une rechute de Liégeois. Ça y est, c'est l'excitation, on ne se contrôle plus. Hein. Mickaël, je te fais des gros bisous. Tu raccroches pas comme ça, on prend toutes tes coordonnées. Et à toi, ton pack de gamers qui va vite partir chez toi. Gros bisous, Mickaël. Merci beaucoup. Salut, ciao ciao. Et pour tous ceux qui voudraient aussi repartir avec ce chouette cadeau là, c'est possible, hein, vous vous inscrivez, vous envoyez Happy par SMS au 6322. Et sinon on parlait de la fouine en début d'intervention. Alors, vous savez, il y a toujours un truc, c'est comme quand vous êtes à un repas de famille et tout, puis il y a quelqu'un qui commence une discussion et puis qui oublie, tu vois, mais, oublié non, déjà. Mais il revient avec, c'est ça, c'est beau. Oui, vas-y. Non, mais je remercie toute mon équipe qui a fait la recherche de retrouver la fouine, c'est avec à ça dire fait mal. Lui tout seul. Exactement. Oui. Et, donc et on a enfin le son. Exactement. On applaudit sur son bravo. Bravo. Donc voilà, Fab, c'est ça. Ah, ça fait mal, ça mais fait mal, oreilles, ça surtout. Fait mal. Ah, c'est bien ça. Ça fait mal, ça fait mal. Wesh, gros. Ça fait mal, ça fait mal. Ok, non, on peut reprendre ça, s'il vous plaît. Merci. Ça fait mal. Ah, là, là, est-ce là que tu préfères plutôt du Pharrell Movement? Ah, oui. Si ça peut te faire plaisir, franchement, c'est cadeau. Voilà, Pharrell Movement, c'est maintenant sur Fun. Getting wild, get them bottles popping. We get that dripping, that drop out. Now give me two more bottles, 'cause you know it don't stop. Hell yeah, drink it up.

C'était deux parakeets sur Fun Radio. La suite du son, c'est avec Eva Simons que ça se passe. Et Sydney Samson. Il y aura aussi Axwell et Ingrosso. Mais avant ça, c'est parti, c'est le tic-tac boom. T'as 30 secondes pour trouver un max de mots. Si t'échoues, tu repartiras avec l'autocollant de la honte. C'est le tic-tac boom sur Fun Radio. Oh, je suis toute excitée. Ah bon? Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus fait, le tic-tac boom. Hein. Le principe du jeu, il est simple. Il y a une liste de mots. Je vous rappelle, hein, pour les nouveaux auditeurs, peut-être qui viennent de se brancher sur Fun. Il y a une liste de mots que vous allez devoir essayer de faire deviner chacun vos tours à vos auditeurs respectifs. D'accord? Ouais. Celui qui arrivera à faire en deviner un maximum remporte la manche. On a d'à côté Coralie qui vient de Chièvre. Salut Coralie. Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Coralie, est-ce que tu es prête? Oui, prête. Est-ce que tu es bonne? On verra, mais... Envoie des photos. On va faire le tour du propriétaire. Ouais, non, non, non, on va bien se calmer. Oh. On va laisser tranquille la Coralie. La pauvre Coralie, tu veux faire équipe avec qui? Sandro ou Fab? Fab. Comme par hasard. J'adore parce qu'elle choisit, mais sans grande conviction. Tu vois, c'est genre, Fab, allez, c'est bon. Donc Fab, je te donne Coralie. Hop, je te donne la fiche. Donne-moi ça seulement. Voilà, tu vois ça. De l'autre côté, on a Julie qui vient de Wanze. Salut Julie. Salut l'équipe. Ça va? Ça va très bien, merci. Et attends, Wanze, c'est où? C'est près de Liège, ça? C'est dans la province de Liège et c'est à côté de la ville de Wy. Encore des Liégeois. Dis franchement, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a que des Liégeois qui écoutent l'émission. Mais est-ce en fait, que... on est nulle part ailleurs. Ça, hein. Ça me stresse. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas de Liège écoute l'émission? 30-44 pour vos messages. Sandro, tu vas donc faire équipe avec Juju. Je te donne la fiche de Juju. Avec hop là, plaisir. Je te donne Julie. Qui veut commencer? Qui se sent prêt? Qui a envie d'y aller là? Bah écoute, moi je veux bien. Moi. Ouais, ça va mettre la pression à Sandro direct. Tu m'étonnes. Bon, et bah du coup, c'est l'équipe de Fab qui commence avec Coralie. Attention, je fais un chrono. 3, 2, 1, Coralie, c'est parti. Coralie, c'est un appareil ménager. On dit que c'est un... électroménager. Oui, mais un... les Transformers, ce sont des... Alors là... Pour faire la cuisine. Les Transformers, c'est des. Attends, laisse faire les professionnels. On fait la cuisine. Voilà. Bravo, merci. À Noël, tu mets un dans ton salon. Oui. Bravo. Ça a une grande trompe, des grandes oreilles. Ça peut pas voler. Voilà, moitié femme, moitié poisson. Sirène. Voilà, dans les prés, ça donne du lait. Stop. Ça fait donc 4 points pour l'équipe de Fab Coralie. J'ai peur. Non mais sérieux, t'as perdu la main, Fab, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais fait un score aussi bas, quoi. Ah bah dis donc. On dirait Sandro. Ah bah oui, c'est ça, c'est très très très bizarre. On Merci. Fait des bisous en passant à Virginie de Woluwe Saint-Pierre. C'est bon, elle est pas de Liège. Je suis un flamand de Halle et j'écoute pour étudier le français. Bah écoute, cool. Salut, Yacobus ici. Comment on dit bienvenue? You're welcome. Welcome. In Fun Radio, le son dance floor, voilà. Bon, on y va pour l'équipe de Sandro et Julie. Ma Juju, est-ce que tu es prête? Prête. Attention, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Alors Julie, ça se met dans une prairie et ça a des taches noires et blancs. Yes. Parfait. Ça se boit et c'est transparent. Allô. Oui. Parfait. Il y en a plein dans... Dans une forêt. On fait du... Des arbres? Non, on le coupe pour mettre dans une cheminée. Du bois? Oui. Parfait. Quand il pleut, qu'est-ce qu'on met sur la tête? Un parapluie, un bonnet, un chapeau. Aux chaussures, qu'est-ce qu'on a? Attendez, ça fait donc égalité, les gars. Égalité. 4 points pour Julie, 4 points pour Coralie. Eh ben, on va se faire la finale. Les filles, vous restez avec nous. On se fait ça juste après le son d'Eva Simons maintenant et Sydney Samson sur Fun. Avec Fun Radio, partez vous éclater à deux toute une année à Walibi avec vos Golden Pass. Fun. Toute la semaine, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez Major Lazer. Yo, this is Major Lazer on Fun Radio. Écoutez à la suite. C'est le double fun sur Fun Radio. Double fun. Soyez le premier à envoyer Walibi par SMS au 6322. Un euro message et gagnez vos Golden Pass pour profiter autant que vous le voulez de l'univers Walibi toute une année. Oh là là, vous faites trop plaisir, je vous adore trop. Les cadeaux les plus fun, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Une place près d'un mur, attention à ma voiture. Check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites.

like a kid again, total utter bliss. Explore continue sur Fun Radio avec du belge. On en est fiers, hein, on est content pour lui, ça cartonne. Alex Germis qui arrive dans quelques petites minutes. Bon, là on va arrêter de rigoler deux minutes. On a Julie d'un côté. Ramasse ma feuille. Et Coralie de l'autre. Coralie. Et Coralie, Juju et Coralie qui sont là, qui se sont affrontés au tic-tac boom. Et alors, c'est très bizarre parce que d'habitude, quand même, Sandro est assez mauvais, hein, il faut dire les choses. Et oui, mais ça, non, c'était mais... avant. Regarde-le là. Hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu as pris ta petite cape de super-héros, Sandro, en disant ça ou pas ? Bien évidemment. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, les filles, Julie, Coralie, on va se refaire une manche là, on est d'accord ? Ouais, on est d'accord. Bon. Soyez bonnes, c'est parti. On commence par Coralie qui était donc dans l'équipe de Fab. Attention, Coralie, tu te prépares. Je donne la liste de mots à Fab. Celle qui arrivera à deviner un maximum de mots repartira avec du cadeau Fun Radio. 3, 2, 1, c'est parti. T'en as dans tes chaussures, tu fais des nœuds avec. Lacets. Ouais. Aux Jeux Olympiques, quand tu gagnes une. Médaille. Yes. Voilà, tu manges du jambon de Parme avec du. Melon. Quand les nuages ils font du tonnerre et il y a de l'eau qui tombe, ça s'appelle ? Oui. Voilà. Dans la mer, il y a des animaux qui nagent. On appelle ça des ? Poissons. Voilà. Le soir, tu sors tes ? Tous les détritus. Poubelles. Quand tu vas skier, il y a de la ? Non, ça compte pas. Non, le dernier, ça compte pas. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait donc 6 points pour Coralie. Par contre, Coralie, on a un oignon appelé là, toutes les deux. Dis, Coralie, oui. T'es pas toute seule. Il y a tricherie. Coralie. Non. Coralie. Alors, c'est pas. Oui. Coralie, arrête de mentir. C'est qui est avec toi ? C'est Lacet. Là, je suis toute seule dans ma voiture. Mais je vous avoue que ma. Ta voiture est grande. De l'autre côté dans la voiture et me crie les réponses. Mais non. faites gaffe quand même. Hein. Faut pas faire un accident pour ça, hein, les copains. Non, mais on a arrêté. Ah, hein, d'accord. Donc, je peux quand même dire quelque chose. Vas-y, Coco, vas-y. En fait, c'est l'anniversaire de ma maman et donc je voudrais lui souhaiter un bon anniversaire. Seulement si tu gagnes. Non, je rigole. Joyeux anniversaire, maman de Coralie. Joyeux anniversaire, maman de Coralie. Joyeux anniversaire, maman de Coralie. Joyeux anniversaire. Voilà, Coco. Et maintenant, je veux une chorégraphie dans la voiture. Assassin de la police. Bon. C'est pas tout ça, mais arrête de nous distraire, Coco, parce que je te vois venir. Hein, c'est une bonne tactique, hein, ça, t'es maline, hein, toi. T'es une tricheuse. Bon, on va voir, parce que. Bon, attends, on va voir un truc d'ailleurs. Julie, t'es toute seule, toi ? Eh oui, malheureusement. Appelle un voisin. Tu as 30 secondes pour appeler un voisin. Appelle un ami, fais quelque chose. Oh bon, ma Julie, moi je suis sûre que tu peux arriver toute seule. Montre que t'es la meilleure. Vas-y, on y va. C'est parti. 3, 2, 1, go ! Alors, il y a le Père Noël qui passe dedans. Là-haut. La cheminée. Parfait. Ils sont sur un bateau et c'est des méchants. Ils ont souvent un œil en moins. Pirate. Yes. Parfait. C'est le cheval en mange. Du foin. Oui. Le peintre en a besoin pour peindre. Un pinceau. Oui. Parfait. Il y en a souvent sur les arbres. C'est un oiseau. Non, ils vont pas sur les arbres, sont trop. Non, ils chient souvent sur les voitures. Une mouette, un pigeon. Oui, pigeon. Parfait. Ça se pêche dans la mer et c'est assez visqueux. T'en as une. Poisson. T'en as une. T'en as une. Mais c'était une moule. Oh. Mais j'essaye d'aider Juju, moi. Bon, Julie, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça oh, fait dis, 5 un point après, tu me battais. Sans tricher. Bon, eh, sans tricher quand même. Hein. C'est Coralie. Non, ouais. Bah si, c'est Coco, c'est ça. Coralie c'est ça, c'est ça. Et l'équipe de Fab qui gagne le tic-tac-boom. Ouais, merci Anne. Bravo. Bravo Coco, bravo surtout à tes parents aussi qui t'ont aidé, ouais, hein, petite ça, tricheuse. Ouais, Coralie, tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ton cadeau Fun Radio, d'accord ma Coco ? D'accord, ça va, merci Coralie, beaucoup. Vous allez faire quoi ce soir pour l'anniversaire de ta maman ?

comme la chantilly sur les fraises. L'Happy Hour, c'est la petite touche en plus pour passer une journée mieux que les autres. Du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. So far. Qui arrive côté son Netflix, ce sera juste après l'horoscope. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ouais, et c'est Fab qui s'y colle, qui vous a préparé un petit horoscope spécial fidélité. Enfin, plutôt infidélité. Enfin, bref, on verra. En gros, on va vous dire si votre mari est du genre fidèle, oui ou non. Les béliers. Absolument pas. Votre mari a le syndrome du labrador, c'est-à-dire qu'on lui caresse la tête et il remue la queue. Énorme. Les taureaux. La fidélité, c'est un concept assez dur pour vous. Hein. Un peu comme les mots caterpillar et création d'emploi. Dis pardon, Fab. Pardon. Merci. Les Gémeaux. Votre mari a eu plus d'aventures que Michel Schumacher. Pardon. Michel Schumacher. Il est un peu Schumacher. Bonjour. Mais à attends, question, mais véridique, est-ce qu'on prononce à l'américaine ou bien c'est Schumacher. Con, c'est Michael Schumacher mais ou bah Michael oui. Schumacher mais c'est pas con. Michel, hein. C'est parti. Mais c'est Schumacher. Pardon. Non, oui, mais c'est Schumacher. Voilà. Attends, mais le ouais. gars, il vient quand même d'appeler. Genre, salut Mich Mich. Non, mais c'est Michael Schumacher. C'est Michael, ok, oh d'accord. Oh là là, vas-y, recommence. On, bon, fait, on fait genre, on a rien entendu, okay, les gémeaux. Votre mari a eu plus d'aventures que Michael Schumacher n'a eu de cours de ski. Ah, ça n'a pas été facile, hein, les cancers. Vous collectionnez les conquêtes et par la même occasion, tout un tas d'autres trucs, hein, style champignons, chlamydia, herpès. À table, bon appétit, les lions. Votre mari est fidèle, très fidèle. Il n'a jamais, en 25 ans, trompé aucune de ses maîtresses. Les vierges. Votre mari essaye d'être fidèle, vraiment. Un petit peu comme M. Pokora essaye de faire des belles chansons. C'est petit, ça, les balances. Les balances, elles ont énormément de chance parce que leurs maris sont fidèles, très, très, très, très, extrêmement fidèles. On n'a jamais vu ça. Et je dis pas parce que ma copine est balance, hein, et qu'elle nous écoute. Hein, bisous, mon lapin. Les scorpions. Votre mari aimerait ne pas être fidèle, mais à part vous, personne n'a envie de coucher avec lui. Les sagittaires. Votre mari est ce qu'on appelle un infidèle, d'ailleurs. Si un jour vous voyez des gens avec une longue barbe et une drôle de ceinture, un petit conseil, courez. Je ne crois pas que ce soit le Père Noël. Les capricornes. La fidélité dans votre couple, c'est un projet un peu impossible, style stopper la fin dans le monde ou reboucher le trou de la couche d'ozone. Les berceaux. Votre mari est tellement pas fidèle que vos enfants auraient pu chanter Papa Outé. Et on termine avec les poissons. Non, votre mari n'est pas fidèle. Il est tellement pas fidèle à un stade que même les cartes de fidélité lui font peur. Énorme. Bon, et courage à tous les cocus et cocus qui écoutent la radio. Bon, on a reçu des petits messages là au 3044. On me dit, moi je suis de Namur et je suis livreur de pizza au boulot. Je vous écoute, Fun Radio. Bah, merci d'être là, ça fait plaisir. Pareil pour Élise qui est en train d'étudier là pour son cours de néerlandais. Courage à toi, merci d'être à l'écoute de la POA. On est avec vous jusqu'à 20h avec le Batman Sound qui arrive. Vous voulez venir jouer, vous envoyez jeu par SMS au 3044. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. les lovers là, Justin Bieber et DJ Snake. La suite, c'est avec Moom que ça se passe. Fun Radio. Ce mois-ci chez Château d'Axe, le charme du design en cuir, le confort des canapés relax, la polyvalence du canapé lit à seulement 1000 euros dans votre magasin Château d'Axe. Ok, ça va, on peut même plus parler ici, on se fait couper, c'est les infos, j'ai bien compris, 19h01, on va retrouver Carlo. Et toi? Salut Carlo. Salut Audrey, salut à tous, et pour un flash spécial climat, hein, forcément il va pas être question de très bonnes nouvelles. 80 scientifiques de 12 pays viennent de publier un rapport sur le réchauffement qui fait froid dans le dos. Un rapport selon lequel les océans sont vraiment dans un triste état. Les hôtes de la planète ont absorbé plus de 93% de la chaleur supplémentaire résultant du réchauffement. Ça veut dire que sur Terre, on n'a pas constaté d'énormes différences, pas encore, mais en mer, là, c'est la cata. Le rythme de vie dans les océans a été modifié radicalement avec de nombreuses espèces qui ont migré en direction des pôles, donc du froid. Des migrations de 1,5 à 5 fois plus rapides que tout ce qu'on voit sur le sol. Le réchauffement des océans provoque aussi une augmentation des maladies chez toutes les espèces vivantes et donc aussi chez l'homme. Il faut donc diminuer très fort les émissions de gaz à effet de serre. Ça, ça fait un bon moment qu'on le sait. Et peut-être qu'un jour on le fera. Et peut-être même qu'il ne sera pas encore trop tard. Et puis le réchauffement climatique est à l'origine notamment d'une sécheresse historique qui sévit depuis 5 ans en Californie. Sécheresse elle-même propice aux feux de forêt qui se poursuivent dans le Golden State. Mais plus près de chez nous, c'est au Portugal que plus de 2000 pompiers sont en train de lutter contre de gros incendies, favorisés par des températures caniculaires alors qu'on est en septembre quand même. Le feu le plus dévastateur a été signalé à Sure, à une vingtaine de kilomètres de Coimbra, dans le centre du pays. Il y a un mois environ, ce sont près de 100 000 hectares de forêt de broussailles qui était parti en fumée au Portugal. Et puis du côté de Marseille, c'est pareil. Là aussi, il y a près d'un mois, on a eu droit à des incendies importants. Bah, depuis hier, le massif des Calanques, un parc naturel aux portes de la ville, est la proie des flammes, incendie attisé par le vent. Et plus à l'ouest, dans la région de Carcassonne, un autre feu de forêt fait des ravages. Autre conséquence des changements climatiques sur l'île de Jeju, en Corée du Sud, on cultive aujourd'hui des fruits exotiques, style papaye ou mangue. Or, si vous regardez sur une carte, vous constaterez que la Corée du Sud, même si elle est au sud, n'est pas très éloignée de la Sibérie. L'hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 10 degrés, alors des mangues et des papayes, c'est peut-être très bon, mais c'est pas normal. Toujours à propos de ce dossier climat, la bonne nouvelle de la semaine, c'est que la Chine et les États-Unis, qui sont quand même les deux plus gros pollueurs de la planète et de loin, viennent de ratifier l'accord de Paris sur le climat, un accord signé en décembre dernier. Si l'Union européenne pouvait en faire autant, ce serait très bien. Et c'est dans cette perspective que Ségolène Royal, la ministre française de l'Environnement, réunit demain mercredi les ambassadeurs des pays de l'Union. Fun. Fun Radio. Les doubles bons double points, du 7 au 20 septembre, c'est chez Match et Smatch. Des bons? Oui, oui, j'en ai vu plein les rayons. Ça, c'est des fameuses économies. On va se faire le jeu du Battle Sound dans un instant avec du cadeau Fun Radio à la clé. Si ça vous branche de venir jouer avec l'équipe, allez-y, hein, vous envoyez jeu par SMS au 3044. On se fait ça après la météo, Carlo. Alors, compte tenu de tout ce que je viens de dire pendant ce flash, je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle. Le fait de savoir que demain, les températures seront à la hausse et que le soleil devrait être bien présent. Jeudi, il fera très chaud également. Trop chaud, sans doute trop chaud pour la saison. Et la semaine prochaine, les températures devraient encore se trouver au-delà, nettement au-delà même des 20 degrés. Et voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain midi et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Mauve. Salut. Fun Radio. En septembre chez Opel, profitez de la force des 4. 3 ans de garantie, d'entretien, d'assistance et d'OnStar gratuit à l'achat d'une nouvelle Opel. Plus d'infos sur opel.be. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro, celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Since I've had these grooves, cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. it? What is it you want to love? What is it you want to love? Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. You're all you have to give. The unknown. Something more. La soirée avec nous, là on est en direct, 19h07 et ça va être comme ça jusqu'à 20h. On bouge pas avec le son de Dua Lipa, il y aura aussi du Dimitri Vegas et Like Mike. Avant ça, c'est parti, c'est le nouveau jeu de la Piaware, le Battle Sound. Battle Sound, le jeu qui va te faire réfléchir, rigoler et chanter. C'est faire maintenant dans la Piaware. Elle a dit réfléchir ? Non mais oui. Ça va pas. On fait pas du tout ça entre 17h et 20h sur Fun, faut pas déconner les copains. Bon, qui va venir jouer avec nous au Battle Sound ? C'est Ludwig van Beethoven. Salut Ludwig. Comment ? Tu viens de Bertrie, ça va ? Ouais, ça va. Et tu le vis bien le prénom ou tu veux qu'on s'allonge et qu'on en parle avec toi mon Ludwig ? Non, je vis très bien, je suis unique. Oh là ! Pas tant que ça. Hein. Bien répondu Ludwig, non mais c'est non, bien non, vu. Il n'y en a pas deux écrits comme moi. Il y a un certain von Beethoven quand même qui te volait la vedette. Ah c'est vrai, vedette. Ludwig non, van avec Beethoven. Mon orthographe, mon écriture, il n'y a pas de prénom comme comment, moi. Comment ça s'écrit ? Avec une faute apparemment. L-U-D-V-I-C-K. Ah, non mais là c'est Ludwig en mode classe, tu vois ce que je veux dire. En mode 2.0, 2016, tout ça, ta cartonne. Bon Ludwig, tu vas te faire le Battle Sound, le principe est simple, je vais donner un mot et tu vas devoir essayer de me donner un maximum de chansons dans lesquelles il y a ce mot. Pour ça, tu peux affronter quelqu'un de l'équipe. Alors, on a Sandro, qu'est-ce que j'ai en stock ? Fab, le kéké du standard, Alison ou alors moi, tu veux jouer avec qui ? Je sais pas du tout. Ah bah, il faut faire un choix. Je te dis Alison, hein, pour gagner. Pas moi. Ah bah voilà. Hop, c'est parti. Alison, tu vas affronter Ludwig au jeu du Battle Sound. Alors, le mot aujourd'hui, attention, concentrez-vous bien, c'est seul. Seul. Seul. Dans quelle chanson on entend à un moment donné le mot seul? Wow. Ludwig, c'est pas facile aujourd'hui, hein. Ludwig, c'est toi qui commences. Quelle chanson? Jarod. Jarod. Dans... Et c'est quoi ça, Jarod? C'est un chanteur. C'est le titre de sa chanson, c'est Seul. Seul. Vas-y, chante. On vérifie. Hein. Chante pour voir. Je saurais pas, moi. Ah bah, c'est ça. C'est le but du jeu, quand même. C'est hein. Ça ou c'est perdu. Attention, hein, vas-y. Hein. Allez, Ludwig. Ça, je me rappelle plus. Ouais, je pense que tu nous mens. Non, si, je suis sur YouTube en même temps, mon déconne. Il est grave. Attends, là, vas-y, checker en même temps dans l'équipe. Si tu veux, on peut lancer la bande son. Ouais, allez, vas-y, fais péter. Fais voir. Je saurais pas. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ok, d'accord. Wesh, wesh ou quoi ? Je connaissais pas celle-là. Bon, Ludwig, allez, ok, je t'accorde le point. Alison. Je marche seule dans les rues qui n'ont... Jean-Jacques Goldman. Ah ouais, ça marche. Ça fait deux points. Donc, enfin, deux points, non, un point chacun. Ludwig, à toi. Je sais pas, moi. Ah bah... Rimka, seule. C'est quoi ? Quoi? Rimka, Sol. Et lui, il va me sortir que des trucs, tu sais, que je connais pas, mais. On vérifie. Il y a le kéké du standard qui me fait des oui à distance, donc disons que ok, Ludwig, le point, il est accordé. Alison, à toi. Je suis seule au monde, y a rien à faire, je suis seule. Ça, c'est sûr, au monde. Toute seule. Ça, c'est vrai. C'est qui, c'est Corneille. Ah ouais. Ah oui. Ouais, effectivement. Bah voilà, hey. Ça fait donc 2 points aussi pour Alison. Attention, Ludwig, à toi. Est-ce que tu vois une autre chanson où on entend le mot seul? Non, j'avais Corneille. Celle de Jules, celle au monde aussi. Celle au monde, celle de Jules, ça marche, ça fait 3 points pour Ludovic. Inconnu au bataillon. Ludwig plutôt. Alison. Ah si, moi j'en ai une, Fun Radio Bootsy. Pardon? Boosty. Boosty. Bah, Feuille de Seul dans Boosty. Bah, c'est le titre de la musique. Ah, mais c'est pas Seul en français. Si, il y a Seul dedans. Est-ce qu'il dit Seul? Mais si, il dit Seul. Ah, si, effectivement. Je demande vérification. Si. Non, le truc en anglais, ça marche pas. Non, le frère dit: je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Et on ne sera plus jamais seul. Ouais, ben c'est bon, d'accord. Ok, non, ça va, c'est bon. 3 points pour Alison. Ludwig, vas-y, à toi. Je suis sûr que tu peux y arriver, vas-y, balance. Garou, Seul. Seul, mais oui, comment ça allait encore ton deux fois? Non, c'est pas celle-là. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. C'est... Ah voilà, et c'était bien ça, Garou, non? Moi j'irais pas jusque-là, mais. Si, moi je kiffe, c'était vraiment cool. Bon, Ludwig, bravo, ça fait 4 points. Alison, à ton avis, dans quelle chanson on entend encore le mot seul? Si seulement je pouvais lui manquer. Non, Fab, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah quoi, il y a seul, seulement? Non. Bah, d'accord. Non, ça fonctionne pas, Alison. Non. Je te donne un chrono de 5 secondes. 5, 4, 3. 3, c'est moi qui fais. Mais deux. Ok. 1, trop de pression. 0,45, 0,30, 0,. Ça fait 0 là. Ah bah ça fait 0, ouais. Bravo Ludwig. Et voilà, facile. J'avoue qu'aujourd'hui le mot il était pas si simple. Hein, c'est ça quoi. Oh là là. Ludwig, félicitations, tu repars avec du cadeau Fun Radio. Et voilà. Boum. Bon, sur ça, tu vas faire quoi ce soir, Ludwig? Pas grand chose, je travaille tard ce soir. Ah ouais, tu bosses dans quoi? Je suis responsable magasin. Oh là. Ah oui, j'allais dire, parce que quel magasin ouvre la nuit? Le sex shop. Ouais, tout simplement, c'est je travaille dans un sex shop. Très bizarre, Ludwig. Eh ben, hey, tu sais quoi, bon courage. Reste bien branché sur Fun Radio. À partir de 20h, c'est Dylan là, qui prend le contrôle. C'est cool, avec de la musique à fond, plein de messages. Tu vas voir, ça va être sympa. Ludwig, je te fais des gros bisous. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Ok, pas de soucis. Bisous. Et pour tous ceux qui voudraient venir jouer au Battle Sound, vous venez sur la page de l'émission, hein, Happy Hour avec Audrey, vous nous envoyez un petit message et paf, vous vous retrouvez à l'antenne de l'émission. C'est pas cool ça? Et bim! C'est bien fait. Et pareil, si vous voulez venir parler avec nous en direct, 0800. Non, 02851, 4x0. Écoutez, essayez pour voir, moi, on verra si ça marche. Hein. C'est bon, vas-y. Allez, c'est toi, Lipa, maintenant sur Fun. He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can't help but let me in. Must be homesick for the real, all the real estate gets. He probably still adored me, with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. There's a darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure heaven, and I'll give it to you. You're my matter from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet. No. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I'm hot like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure, heaven, and I'll give. Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. On est avec vous jusqu'à 20h avec le son de Ken Jones, Don't Mind. Et puis il y aura aussi le nouveau Hardwell, là, on va le faire découvrir maintenant pour la première fois dans l'Happy Hour. Avant ça, il y a un gars qui est pas très très content dans l'émission. Vous le savez, pour ceux qui sont fidèles à l'Happy Hour, vous l'avez entendu la saison dernière, Raoul Del Moloto. Fabasi, hola, que tal? Muy bien, guapa. Muy bien. Hola, gringo. Allez, le problème, c'est que Raoul Del Moloto, il est toujours fâché, il a toujours un truc qui va pas. Donc, bah voilà, il y a encore un truc qui vous énerve aujourd'hui. Vous aviez envie de venir en parler avec les auditeurs de Fun Radio. Alors, comment je dis Fun Radio? Fun Radio. En version Carolo, là. Bon, Fun Radio. Radio del Funes. Qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe, Audrey. Pourquoi? Parce que Raoul, il avoue, il est au courant des infos avant beaucoup de gens. Ouais. Et il avoue déjà l'iPhone 7. L'iPhone 7 qui sort bientôt. C'est quand la sortie d'ailleurs? C'est demain, ils vont annoncer, là, ils vont faire la keynote. La keynote, c'est ils font venir des gens et ils leur disent qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais. Pour te dire comment ils vont se foutre de ta gueule. En gros, parce que Tom Cook, je crois, il nous prend pour des cons. Tom Cook, c'est. Non, c'est Tim Cook. Tim Cook. C'est comment il s'appelle, comment moi je dis qu'il s'appelle. T'as compris, Gringo? Il faut pas le fâcher, j'ai déjà assez énervé comme ça, sans Tim Cook. Il veut niquer Raoul. Et Raoul, il est pas content. Raoul, il va pas se faire niquer par un vendeur de fruits et légumes. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? iPhone 7, je suis resté au 4. parce que Raoul il a pas beaucoup de sous. Et il s'est dit Raoul qu'il allait acheter un nouvel iPhone. Ouais. Mais l'iPhone 7 c'est le même que l'iPhone 6. Ah bon, il y a rien qui change. Il y a rien qui change et t'enlèves des trucs. Comment ça? Ils te mettent toujours les trous pour mettre ton casque. Ouais. Ah, une fois ils changent le casque, maintenant ils enlèvent le trou. Quel casque tu mets? Comment il va faire Raoul? Comment ça? Il y a plus le trou pour mettre le truc pour écouter la musique. T'as bien compris. Je répète encore une fois, il y a plus le trou. Comment tu fais? J'achète tous les casques Bluetooth. Ouais, bah oui, c'est ça, connecté quoi. Bah, c'est bien. Mais c'est encore de l'argent que Raoul doit dépenser. Non, mais c'est bien, c'est sans fil connecté. 2.0. Mais quoi, il y a que ça qui va pas, parce que sinon, l'appareil photo, c'est les mêmes. Les processus, c'est le même. Bah heureusement. Les programmes, c'est le même. Il n'y a rien qui change. Ils t'enlèvent des trucs et ils te vendent ça, c'est en coulée. Ils te vendent ça 950 dollars européennes. Mais t'es appris Raoul des pour un pétrole. Européen. Votre monnaie, là, je ne sais pas, il n'y a pas bien compris. Ah, en euros? En euros. Combien en euros? La même chose, 950 dollars. Non, c'est pas vraiment la même chose. 950 euros, c'est sûr. Mais c'est mon arnaque. Non, c'est cher. C'est 950 boules. Qui va mettre 950 boules pour un iPhone? Bah, Raoul, il avait mis 950 euros pour l'iPhone 4. Parce qu'à l'époque, on lui a dit, Raoul, achète les S. Les S, c'est des Superman. Alors, j'ai acheté les S, c'est beaucoup mieux. Mais c'est une escroquerie. Et moi, j'ai pas envie de prendre un Samsung. Bon, pourquoi? Parce que c'est pas bien, Samsung. Pourquoi? Déjà, je sais pas dire Samsung. Ouais, ça marche pas en mexicain, ouais, c'est clair. Non, mais sinon, c'est bien Samsung aussi. Bon, et vous êtes plutôt de quel team, vous, de l'autre côté de la radio? Samsung ou alors iPhone? En sachant que l'iPhone 7 va bientôt sortir. Je sais pas, moi, j'arrive pas à me mettre dans quel camp. Moi, je suis plutôt iPhone quand même. Hein. Je suis habitué, Sandro. Toi, t'es pareil, plutôt quoi? Ouais, pareil, Alison, du aussi, standard ouais. Aussi, Kéké. Ouais, bien sûr. On n'est qu'une team iPhone ici, Fab. Fab, il a bien l'iPhone aussi. Mais il a écouté les conseils de Raoul. Mais comme il disait Raoul, hein Raoul, tu en penses quoi? L'iPhone 7, il va faire mal au cou, gringo, ça je te le dis. Ils vont miser les nouveautés Apple, ils veulent faire une nouvelle iWatch. Ouais. Ils vont te mettre l'écran de l'iPad dedans, ça va être le bouclier de Captain America. C'est énorme. Bon, dites-moi, vous de l'autre côté de la radio, allez-y, on va faire une team. D'un côté iPhone et de l'autre côté team, Samsung 3044 pour vos messages. Il y aura le nouveau Hardwell, là, vous l'entendez, hein, il arrive dans quelques minutes. Juste avant, c'est Ken Jones sur Fun. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur Sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son Dance Floor. L'odeur d'une nouvelle Opel. Cette petite tension dans la nuque au moment d'allumer le moteur. La chair de poule quand on découvre le tableau de bord. Ce léger frisson quand on passe la sixième pour la première fois. Pour profiter à fond de ces sensations, vous recevez en septembre, à l'achat d'une nouvelle Opel, 4 fabuleux avantages gratuits. 3 ans de garantie, 3 ans d'entretien, 3 ans d'assistance et 3 ans d'OnStar. Pour jouir encore plus longtemps du plaisir de conduire sans souci. Découvrez la force des 4 sur opel.be. Inédit du lundi au vendredi à 20h35 sur Plug RTL, touche pas à mon poste. Bienvenue dans Touche pas à mon poste. Avec Cyril Hanouna aux commandes, plus en forme que jamais. Comment ça tombe bien? Attention, je peux être un tigre. Oh là là, boulou, va. Ouais, oui. Chronique, jeux, défis et délire en tout genre. Et quoi d'autre? Vous le saurez en regardant Touche pas à mon poste du lundi au vendredi à 20h35. Plug RTL. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. Next to me, and I

avec Hardwell sur Fun Radio. La suite, ah, c'est plus calme, Justin Timberlake qui arrive. Can't Stop the Feeling. Il y aura aussi du Bob Sinclair. Et puis le nouveau Lion aussi dans quelques minutes. Avant ça, on a Élise qui est là avec nous, qui vient de Uccle. Oh, Élise qui est en plein examen, enfin en pleine étude. Madame est, a eu une seconde cesse en néerlandais. C'est bien ça, Élise? Ouais. Ah, le néerlandais, c'est pas facile. Hein. Moi aussi, j'étais pété, mais genre chaque année en néerlandais. Toi, t'étais pété en tout. Ah, oh, ouais, non, non, ouais, non. J'avais deux cours dans lesquels j'étais pété, mais chaque année. Genre, j'avais même pas besoin d'étudier, je savais que j'allais l'avoir. Mathématiques et néerlandais, ça c'était mes deux bêtes noires. Dans l'équipe, c'était quoi les trucs compliqués, Sandro? Pareil, mathématiques. C'est tout, genre, il y avait que ça. Mathématiques. Mathématiques. Ouais. Et le reste, c'était. C'était la moyenne. Pile poil, quoi. C'est ça, vois, c'est ce qui, ça passe, hein, ça passe, comme on dirait. Allison. Néerlandais, anglais, chaque année. Les langues, hein, Berk, Kéké. Moi, c'était le latin. Le latin. C'est horrible. Et les cours de son aussi, non, il paraît. Toi, Fab. Je sais pas, moi, ils me renvoyaient de l'école avant que j'aie mes résultats. Bon, Élise, comment ça se passe sinon la soirée? Ça va, l'étude, c'est pas trop chiant d'étudier comme ça? En début d'année, j'avoue, c'est un peu chiant. Ah, tu m'étonnes. Courage, Élise, ça va aller. C'est quand? Tu repasses quand ton examen de néerlandais? Mais en fait, je repasse pas d'examen, c'est juste que le prof a déjà donné la borne de travail. Ah ouais, pénible, ouais. Ah non, mais ça c'est chiant, ça c'est excusez-moi, pas, ça. Un 6 septembre, le prof te donne déjà autant de travail? Ouh là là. Et si tu veux, Jacobus peut t'aider. Bon, Élise, on parlait de l'iPhone 7, enfin Mister Raoul Dalmoroto était pas content parce que l'iPhone 7 sort bientôt et du coup ils ont retiré plein de bannards sur l'iPhone 7. Ils ont enlevé les prises du jack. Jack. J'aimais bien moi Jack. Pourquoi ils enlèvent Jack? Ils enlèvent Jack, ils laissent les mêmes écrans, ils laissent les mêmes appareils photo, ils laissent les mêmes processus, ils laissent la même chose que mais si tu achètes plus ton cher. Site. 950 euros, ça fait cher quand même. C'est très cher l'encoule, moi je dis. Bon, dans l'équipe, on est à peu près tous dans la team iPhone malgré tout, alors que pour le coup, c'est vrai que c'est quand même assez cher. Élise, toi t'es pour qui? T'es plutôt pour le Samsung ou pour l'iPhone? Samsung, pourquoi? Ben, en fait, moi j'ai jamais eu d'iPhone, c'est juste que, le téléphone que j'ai là c'est un Samsung et c'est mon premier. Oh, c'est un peu comme ton premier amour, c'est ça? Non, ta première expérience téléphonique, c'est mignon. Non, comme ton plan cul. Mais c'est juste que les téléphones que j'avais avant, c'était un peu des tout vieux téléphones, genre les petits Nokia. 3310 où il n'y avait pas le téléphone, tu vois. Eh, le 3310, tu rigoles, mais c'était la vie. Ça. Eh, tu pouvais le laisser tomber, il se passait rien avec ton 3310. Ouais, tout casser le trottoir. Ouais, limite. Et il y avait surtout avec Snake, le jeu. Ah ouais, que c'était bien ce jeu. Ouais. Eh, mais il existe encore hein, sur Android et sur iPhone. Moi, j'ai téléchargé, moi, je joue au serpent. Bon, bref, donc Élise, toi, t'es plutôt dans la team Samsung. Ouais. Pourquoi je le dis en chinois quand je dis n'importe quoi? Eh ben, Élise, merci d'avoir participé à l'émission. Si t'as besoin d'un coup de pouce, si à un moment donné tu t'emmerdes, t'as envie de faire une pause, tu nous appelles, hein, d'accord? Tu viens dans l'émission, on se fait un jeu, comme ça, on t'a rien d'esprit. On te fait des gros bisous, Élise. Bonne merde, hein. Gros bisous à vous. Bisous, bisous. Merci. Non, dis pas merci! Oh, ça y est, ça porte malheur. Non, ça va pas. Il faut la rappeler. et recommencer. Vous êtes du genre superstitieux dans l'équipe ou pas? Non, ça dépend. Ouais. À mort, moi, il aimait pas les saintes. Tu sais, tu peux parler en fab. Attends, ah oui, mais tu m'as pas dit que je devais arrêter. Voilà. Ah si, alors moi, je suis totalement super superstitieux. Je mets pas les saintes sur le lit. Je mets pas des vêtements nouveaux vendredi. Je passe pas en dessous d'une échelle. Attends, tu mets pas quoi sur le lit? Les saintes sur le lit, ça porte malheur. Donne un coup de main, prof, ça porte malheur. Attends, calme-toi, on s'arrête deux secondes sur ce truc. Mettre des cintres. Des cintres, pardon. Tu sais, des trucs sur lesquels t'as quoi. Oui, mais je sais, merci. Mais j'ai jamais entendu ça de ma life. Eh ben maintenant, tu le sais. Mille ans de malheur à toi si tu le fais. Attends, est-ce que quelqu'un avait déjà entendu parler de cette malédiction? Donc si on met des cintres sur le lit, ça porte malheur. J'ai l'impression qu'il n'y a que Fab qui connaît ce truc. 3044 pour vos messages si vous connaissiez cette expression. Enfin en tout cas pas du tout hein, honnêtement. Mais des cintres sur le lit, je connaissais pas quoi. C'est peut-être typiquement italien, mais genre passer en dessous d'une échelle, ça ouais, un chat noir, tout ça, casser un miroir, ça je connais. Mais les cintres sur le lit, sérieux, tu nous apprends des trucs hein, Fab. Bon, on va voir si quelqu'un connaît effectivement ce truc là. 44 pour vos messages si c'est le cas. On aura aussi du cadeau pour vous, peut-être qu'avant 20h un Golden Pass, deux Golden Pass même vont tomber pour aller à Walibi. Pour ça il faut reconnaître deux sons. C'est quoi le double fun, Sandro? C'est Justin Bieber avec Major Lazer et puis le tout dernier Kungs. Voilà, bah si vous repérez ces deux sons, à vous, vous envoyez Walibi par SMS au 6322. Bonne chance. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. You got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. Sa jolie voix. La suite, Bob Sinclair, c'est bon ça sur Fun Radio. Il y aura aussi The Chainsmokers, Lions, et puis le duo, les nouveaux amoureux, Rihanna et Drake. Qu'est-ce que c'est mignon tout plein. Et on parlait des superstitions là avec Fab qui nous a balancé un truc dont j'avais jamais entendu parler. Il paraît que le fait de mettre des cintres sur un lit, ça porte malheur. Yep. Et c'est un truc d'italien ça. Ouais. Justement, on a un italien, Dylan. L'italien qui arrive à 20h pour Fun Connected. Et voilà. Non, alors ça je connais pas, mais par contre je sais pas si tu sais Fab, bah, à mon avis je pense que oui, vu que t'es italien comme moi, mais c'est interdit de mettre les souliers sur la table. Bon, déjà pour question d'hygiène. Bah oui, mais non, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai, non? Tu connaissais pas ça? Bah, je sais pas, mais moi, je me suis toujours défoncé quand je mettais mes pieds sur la table. Tu m'étonnes. Bon, attends, peut-être, on nous dit par SMS au 3044 que, effectivement, ça porte malheur de mettre des cintres sur un lit. Anthony de Tournai, il connaît ça. Salut, Anthony. Je le dis un peu en italien, je sais pas pourquoi, mais voilà. Ça va, Anto? Ça va bien, et vous? Bah, super, qu'est-ce que tu fais? Bah, je bosse, je conduis pour le moment. Tu conduis, tu nous appelles en même temps. Attention, Anto, hein, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Là, je me rends sur une panne, donc je vais aller dépanner après. D'accord, et Anto, tu connaissais toi le truc de Fab avec les cintres sur le lit? Non, je connais pas, en fait, moi je suis pas du tout superstitieux. Il y a que ça qui porte malheur en fait. D'accord. Faut quand même que je vous explique les coulisses de l'émission. Je vois un SMS qui arrive qui dit ouais je connais. Je dis à Alison et Keke, appelez-le moi, c'est cool, il va expliquer. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez foutu comme connerie? C'est pas du tout ça. Vous racontez que de la merde. Pas. Ah d'accord, normal. Donc on a fait l'autre SMS. En fait, vous avez appelé le voisin en fait pour qu'il vienne parler. C'est ça. Salut Anthony. Non mais écoute Anthony, ça nous fait vraiment plaisir de parler avec toi. Hein. J'espère que ça se passera bien le boulot ce soir. Sinon, on a quelqu'un d'autre en ligne qui a envoyé un message il y a 4 jours. Énorme quoi. Bon Anto, tu reviens quand tu veux sur Fun, d'accord? Super, merci. Eh, gros bisous, bon courage hein, pour le taf. Merci bon, d'être venu. Hein. C'est quoi ça? Ok, c'est toi qui fous le bordel? C'est la dépression. Non, non. Bon, à partir de 20h, c'est Fun Radio Connected qui débarque avec plein de messages, de la musique, de la déconne. Il y aura quoi au programme d'hier? Eh ben surtout du cadeau, puisque le double fun va tomber chez moi. Alors, ouais. Je peux pas le dire. Eh, mais comment tu balances? C'est une surprise. En fait, je sais que le boss est sous la douche, donc du coup, je me permets de le dire. Il m'a envoyé un snap. L'heure exacte ou pas? Non, l'heure exacte, je peux pas dire, mais ce sera entre 20h et 22h et on vous offre les Golden Pass pour aller vous éclater à Walibi. Genre le pass qui vous permet d'y aller gratos pendant toute une année. Pendant un an avec en plus accès à Bell Award et à Qualibi. Oh, ouais, t'imagines, t'arrives devant la caisse, tu fais ah ouais. Tu veux un Golden ça, Pass alors, ouais, je voudrais bien. Non. Merci. Ça fait plaisir, hein, le petit nouveau là. Il vient, machin, comme ça, il fait genre je suis cool, aise. T'auras rien du tout. Bah voilà, merci Dylan, ça fait plaisir. Et ben de rien. Dylan, que vous retrouverez à partir de 20h pour Fun Radio Connected. Et comme le nom de l'émission l'indique, il est connecté de partout, le gars. Même quand il nous chiotte, il est connecté à n'importe quel moment. Donc vous envoyez vos petits messages au 44, vous allez sur Facebook, vous tapez Fun Radio Connected, il y a Twitter aussi, Instagram, Snapchat, il est partout beau. Le c'est gars, bon, Dylan, bon. À partir de 20h, et pour aller jusque là, c'est Bob Sinclair sur Fun Radio. Que ça se passe Don't Let Me Down sur Fun Radio. Il y aura aussi du Lion et puis peut-être que si on a le temps il y aura Rihanna et Drake. Ouais, si je dis qu'on n'a pas trop le temps, c'est parce qu'à partir de 20h c'est Dylan qui débarque, il est déjà dans le studio, pressé. Il met une de ses pressions le gars. Ok, ça c'était lui. Qu'est-ce que c'est? Il est fonctionnaire crevé. Ah, on peut même pas faire du bruit. Attends. Non. Est-ce qu'on peut tester l'ambiance ou pas du studio dans la pierre? Ouais, vas-y. Allez, faites du bruit.

Connected. 20h-22h avec Dylan. Ça démarre. Ça démarre. Maintenant. Alors attention, je fais une petite croix dans le calendrier. Mardi 6 septembre, 20h, Audrey et l'Happy Hour nous a rendu l'antenne à l'heure. Moi j'ai dit bravo. Et ça c'est pas mal. Ça tient à féliciter quand même. Merci beaucoup Audrey qui est sûrement déjà en train de partir la direction chez elle. Elle est sûrement dans la voiture. Je t'embrasse ma Audrey. L'Happy Hour que vous allez pouvoir retrouver demain, donc entre 17h et 20h. Et puis là bah c'est parti. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Je m'appelle Dylan. Arnaud est avec moi en pleine forme. Hello. Qu'est-ce qu'il est beau le petit Arnaud avec son casque des années 80. Bah écoute, c'est le seul casque que je vais y arriver qui restait à l'antenne quoi. Oui c'est ça. Non mais c'est vrai. Attends, tu sais quoi, on va vous poster la photo de Arnaud avec le casque de l'époque de Carlo Morello que vous entendez lors des infos.